Chapitre 12e, le jeu des trois noms. Charlet soigna ses deux prisonniers. Au lieu de les envoyer au dépôt, il les garda au bureau de la sûreté où on les enferma séparément après leur avoir adressé à chacun un lit de camp. Fouinard, sans autre émotion, s'étendit et un quart d'heure après, il ronflait à poing fermé. Quant à Van Kopfen, il criait, jurait qu'il se plaindrait à son ambassadeur, qu'il ferait fiche à la porte toute cette damnée engeance de policiers. « Je suis négociant, » hurlait-il, « citoyen des États-Unis, je vaux 100 000 $ !» Le brigadier, qui l'embêtait, le fit également passer à tabac. À demi démoli, il se décida de se tenir quoi et s'endormit à son tour. Quand Fouinard s'éveilla, il faisait grand jour. Il regarda autour de lui et constata avec plaisir qu'il y avait un broc d'eau, une cuvette et un torchon. Il entendit sonner 7 heures. Il se leva et se plongea dans l'eau, ce qui le rafraîchit délicieusement. Il rajusta son gilet, son veston, donna un aible tour de main à ses cheveux, et ceci fait, il mit son chapeau sur sa tête, prit sa canne, et s'étant assis, lui dit « Justine, ton monsieur Charlet, dont tu fais ton Dieu, est le dernier des vantards et des imbéciles. Cependant, tu as raison, il faut être bon garçon, et on ne doit pas vouloir la mort du pêcheur. Je ferai encore une tentative, patientons. » Ils patientèrent, lui et sa canne, pendant 2 heures, car ce ne fut que vers 10 heures que la porte de la prison, très rébarbative d'ailleurs, s'étant ouverte, M. Charlet entra. Il avait l'air fort troublé. « Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie-là » fit-il. « Monsieur le préfet de police donne ordre qu'on vous conduise à son cabinet. »« Que voulez-vous ? Ce bon Monsieur Larose a envie de me voir. C'est son droit, à cet homme. Vous le connaissez donc ? Oh, si peu ! Les coulisses des théâtres sont à tout le monde, Monsieur Charlet. » Et j'ai le plaisir de rendre à votre chef quelques menus services. Mais comment sait-il que vous êtes ici ? Ça, je pourrais vous répondre que c'est mon secret. Mais j'aime mieux vous dire tout de suite que pendant que vos agents me tenaient, j'écris derrière mon dos. C'est encore un petit truc à moi, un billet, que mon excellent ami Michel Gervais lui a fait parvenir ce matin. Et voilà pourquoi il désire causer avec moi. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Mon cher monsieur Charlet, je pourrais vous répondre que ça ne vous regarde pas. Mais je veux être bon prince. Sur le conseil de Justine. Vous ne connaissez pas Justine ? Elle est maigre, mais si bonne fille. Écoutez-moi donc. Monsieur le chef de la sûreté, je reconnais qu'avec moi, vous jouez de malheur. J'ai déjà tiré Michel Gervais de vos griffes. Quant à l'assassinat de la rue du Mont-Tabor, vous vous fourvoyez abominablement. Déjà, vous avez arrêté un manchot que vous avez dû relâcher sous les quolibets de tout Paris. Je vous dis, je vous affirme, que l'homme que vous avez arrêté hier est absolument, absolument innocent. Cette fois, vous croulerez sous le ridicule. Eh bien, reconnaissez ces 3 gaffes, et je vous livre, moi, le véritable assassin de l'usurier. » Pendant toute cette tirade, M. Charlet s'était contenu, il éclata. « Mon petit, vous me prenez pour un autre. Que je me sois trompé 1 ou 2 fois, c'est possible. Ce sont des accidents et les succès que j'ai à mon actif les compensent largement. » Mais je ne vous permets pas, vous entendez bien, de prendre avec moi ce ton de persiflage. L'homme que j'ai arrêté hier est bel et bien l'assassin. D'ailleurs, il a avoué. Maintenant, allez voir, monsieur le préfet, et dites-lui tout ce que vous voudrez, je le verrai moi aussi. Et on vous demandera compte de votre équipe d'hier, qui n'est pas claire et peut vous mener loin. Là-dessus, bonjour, mon petit, on se reverra. À votre aise, dit Fouinard, mais vous ne serez plus dans votre bureau du quai des Orfèvres. Un instant après, un garde municipal venait cueillir Fouinard et le conduisait au cabinet du préfet de police. La physionomie de ce magistrat, si fort mêlée à notre vie publique, est connue de tout Paris. Maigre, la figure osseuse, petit, mais rablé comme un Hercule, M. Larose tient à la fois de l'ancien officier et du dompteur, le ton sec et autoritaire. Introduit auprès de lui, Fouinard le salua respectueusement. « Asseyez-vous, monsieur Fouinard. » « Vous m'avez adressé un appel pressant, » dit le préfet, « et j'y ai répondu, pour plusieurs raisons. D'abord, je n'ai pas oublié que, durant certaines bagarres, vous m'avez sauvé la vie en faisant sauter d'un coup de canne un revolver qu'un imbécile braquait sur moi. » Fouinard baissa sur Justine un regard reconnaissant. « Et puis je sais toute la part que vous avez prise, très courageusement, à l'affaire des faux monnayeurs de Neuilly. »« Quoi, vous savez ? » ?»« Oui, oui, je me doutais de quelque chose. » Il ne me paraissait pas trop vraisemblable, fit-il en souriant, que M. Charlet eût accompli toutes ses prouesses. Je l'ai interrogé, poussé, et il m'a tout avoué. Savez-vous que pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, ce fut un vrai chef-d'œuvre ? vous me comblez. » Soit. Ceci est le miel de mon discours, en voici l'absinthe. Il m'est revenu que vous êtes compromis cette nuit dans une affaire à la fois singulière et fâcheuse, dans laquelle la police a cru devoir intervenir. Et vous êtes en somme en état d'arrestation. Pas tout à fait. J'ai accompagné volontairement, monsieur le chef de la sûreté. Qui avait trouvé chez vous un personnage mystérieux, ligoté et bâillonné. C'est sans doute à ce sujet que vous désirez me parler. Je vous écoute. Mais je vous le dis d'avance. Si vous vous êtes placé dans une situation qui doit vous amener en justice, n'espérez pas que, par un acte arbitraire, je vous aide à esquiver les responsabilités que vous aurez encourues. Au point de vue professionnel, je ne puis et ne veux rien faire de contraire à mon devoir, et cela, quelques regrets que j'en puisse éprouver. Ceci posé, je suis à votre disposition. Parlez. Monsieur le préfet, vous n'aviez pas besoin de me rappeler que je suis en face d'un homme intègre entre tous. Aussi n'ai-je pas la moindre intention de vous adresser une requête anormale. Au contraire, je veux vous donner la clé d'une affaire qui vous intéresse fort et qui a fait l'objet des commentaires malveillants de toute la presse. Quelle affaire ? L'assassinat de l'usurier de la rue du Mont-Tabor. Ah ! Vous venez parler de l'erreur qui avait été commise, de cet impotent qu'on avait arrêté. Mais cette erreur a été réparée, puisque le véritable criminel est tombé hier dans les mains de la police. Justement, monsieur le préfet, voilà où le bât nous blesse. Cet homme est innocent, tout à fait innocent, autant que le premier qu'on a dû relayer. Allons, allons. Voilà ce que c'est que de jouer au détective. On y prend goût et on se met à deviner des rébus plus ou moins compliqués et on se trompe. Car cette fois, mon cher monsieur Fouinard, c'est vous qui faites erreur, l'homme a avoué. L'homme est sans doute un fou, car je vous le répète, il n'a ni de près ni de loin participé au crime du Mont-Tabor. Voyons, c'est insensé, devant l'évidence, quel indice avez-vous ? Oh ! Un indice parfaitement concluant. Celui-ci, les deux assassins, car il y a un complice, sont en ce moment même en prison tous les deux. Et ni l'un ni l'autre n'est ce Soulavic qui est totalement étranger à ce crime. Quoi ? Vous dites que les assassins de ce Templier, je crois, sont arrêtés ? Tous les deux, de piquant. L'un a été arrêté, ou plutôt s'est fait arrêter, dans la soirée même qui a suivi le crime. L'autre a été arrêté cette nuit chez moi. Vous avez beaucoup lu Conan Doyle, monsieur Fouinard ? Fort peu, au contraire. Je trouve ces imaginations tout à fait enfantines quand on les compare à la réalité. Procédons par ordre, si vous le voulez bien. Voulez-vous jeter un regard sur ce petit papier ? Et il mit une demi-feuille de papier sous les yeux du préfet. Je lis trois noms, dit le préfet. Roger Segnébos, Noé Grosbergès, Georges Bresson. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? Vous ne remarquez rien. Il me semble cependant que ces trois noms présentent un caractère frappant. Je ne vois pas. Ce sont des noms à peu près courants. Alors j'explique. Ces trois noms, monsieur le préfet, sont les anagrammes les uns des autres. Prenez votre plume. Ils sont composés exactement des mêmes lettres, disposées dans un ordre différent. Le préfet fit le travail demandé. C'est vrai. Ma foi, je ne m'en serais guère douté. Mais oui, exactement les mêmes lettres. Mais quels sont ces noms ? Roger Segnébos est un passager qui a quitté New York le 25 juillet et qui est arrivé au Havre le 2 août dans la nuit et à Paris le 3 au matin. Bien, arrivé à Paris le jour du crime, justement. Georges Bresson, c'est-à-dire en invertissant les lettres, Roger Segnébos est le neveu de M. Templier. Ce neveu lui a écrit de New York où il résidait une lettre qui est partie de New York le 25 juillet et est arrivée à Paris le 3 août au matin. Demande d'argent à laquelle ce neveu disait attendre là-bas, outre-mer, une réponse jusqu'au 20 août, ce qui prouvait, n'est-il pas vrai, qu'il était et restait à milieu de Paris. Si bien que, selon vous, le passager Roger Segnébos n'était autre que Georges Bresson qui serait parti de New York en même temps que la lettre qui lui créait un alibi et qui serait venu assassiner son oncle, qui possédait, le vieux Grigou, 1 million et dont il est le seul héritier. La déduction est ingénieuse, mais sur quelle preuve l'appuyez-vous ? Sur celle-ci, d'abord. Le couteau, qui a servi à perpétrer le crime, portait gravé sur sa lame le mot « Germania ». Or, le navire sur lequel Georges Bresson, Roger Segnébos, est venu d'Amérique, appartient à la compagnie hambourgeoise et s'appelle « Germania », et tout le service du bord est marqué à ce nom. Diantre, mais voilà qui s'enchaîne étonnamment. De plus, veuillez lire ces deux lettres. L'une, d'un de mes amis qui chante à l'Opéra de New York et qui me dit, sur ma demande, que Georges Bresson, qui habitait Pennsylvania Hotel, l'a quitté le 25 juillet pour se rendre en Europe. Ah ! La seconde lettre m'est revenue avec destinataire inconnu. Je l'avais adressée à la maison dans laquelle ce Georges Bresson prétendait avoir trouvé un emploi lucratif, Ormsby Coal Mining Company, Nevada. Il n'y a jamais eu de compagnie de ce nom. J'en ai acquis la certitude à l'ambassade des États-Unis. Décidément, monsieur Fouinard, vous êtes d'une force. Mais le troisième nom ? Pouvez-vous faire demander la feuille des arrestations qui ont été opérées le 3 août, dans la soirée ? Rien de plus simple, ces documents sont classés. Le préfet sonna, et au bout d'un instant, on lui apportait la pièce demandée. Voyons. Ah, voici. Noé Grobergès. Ivrognerie, tapage sur la voie publique, bris de glace d'une boutique, résistance et outrage aux agents. Arrestation à 8 heures du soir. C'est-à-dire, continua Fouinard, 1 heure après le crime qui nous occupe. Mais comment ce Georges Bresson, qui aurait assassiné son oncle, se serait-il jeté aussi stupidement dans la gueule du loup ? C'est là un trait de génie, monsieur le préfet. Cet homme sort de la maison couvert de sang. Il parvient jusqu'à une rue voisine et là, il casse une glace de devanture à coups de poing. Voilà le sang expliqué. Puis il joue à l'homme ivre, il se collette avec les agents, les injuries. On l'arrête, on le met au poste. Le voilà bien tranquille, sous un faux nom. Qui ira le chercher là ? C'est ma foi vrai. Ça s'est déjà passé ainsi. Tel criminel que l'on cherchait partout était tranquillement entre les murs d'une prison. Et pour prolonger sa sécurité, afin de pouvoir reparaître sous son vrai nom quand l'affaire sera classée, oubliée, ou qu'un innocent aura payé pour le coupable, notre Georges Bresson, Noé Grobergès, que l'indulgence des juges n'a frappé que de 2 mois de prison, outrage le tribunal, jette son soulier à la tête du président, ce qui porte sa peine à 8 mois. Et sa sécurité est assurée pour ce laps de temps qu'il a voulu chercher, imposer, en quelque sorte. C'est inouï, mais cet homme est en ce moment à la prison de la santé où il attend paisiblement que Noé Grobergès ait purgé sa peine pour entrer dans la société sous son nom très réel de Georges Bresson, arrivant d'Amérique, et bénéficiaire d'une importante succession que nul ne pourra lui disputer. Vous voyez, monsieur le préfet, que l'homme arrêté hier est parfaitement innocent. Allons bon, voilà encore que monsieur Charlet a fait une gaffe. Ce n'est pas moi qui le dis. À ce moment, on vint prévenir le préfet que le chef de la sûreté demanda à être reçu. Monsieur Larose et Fouinard échangèrent un regard. « Qu'il entre !» dit le préfet. Monsieur Charlet entra, très grave, et fit semblant de ne même pas voir Fouinard. « Monsieur le préfet, j'ai arrêté cette nuit 2 personnes dont les agissements m'ont paru des plus mystérieux, et je désirais vous consulter à ce sujet. »« Quelles sont ces 2 personnes, leurs noms ? L'une, c'est Monsieur Fouinard, ici présent. » L'autre nommé Von Kopfen qui me paraît en avoir gros sur la conscience. « Vous connaissez ce Von Kopfen ?» dit le préfet en s'adressant à Fouinard sur le ton le plus aimable. « Fort peu personnellement, mais beaucoup moralement. Ce Von Kopfen est venu sur la Germania avec Roger Segnebos, alias Georges Bresson. C'est un homme d'affaires de New York, plus que véreux, qui a déjà tâté là-bas de la prison pour vol et escroquerie. Mais dans cette affaire, quel aurait été son rôle ? Georges Bresson lui a sans doute expliqué son affaire. Héritier possible d'un million, il jugeait utile d'avancer l'heure du legs. Mais parfaitement miséreux, il n'avait pas de quoi payer son passage, pas même de quoi vivre. Et un pacte s'en est suivi. Le neveu tuerait, ferait le nécessaire pour s'assurer l'impunité, jusqu'au jour où il recueillerait la succession. Son digne associé, Von Kopfen, qui n'avait en lui qu'une confiance limitée, l'a accompagné à Paris où il attendait tranquillement l'issue de l'affaire. Et rapidement, Fouinard raconta comment il l'avait découvert et comment le bandit avait essayé de se débarrasser de lui en l'assommant. C'est dans ces circonstances que, si opportunément, vous en jugez, monsieur le préfet, est intervenu monsieur le chef de la sûreté, sans qui, à l'heure présente, j'aurais déjà tout fait avouer à ce gredin exotique. C'est d'ailleurs une gaffe sans grande importance. Monsieur Charlet ne comprenait pas bien les détails d'une histoire dont il n'avait pas entendu le récit complet. Mais pour employer une expression familière, il n'avait pas un poil de sec. Monsieur Larose avait pris son visage dur et fermé des mauvais jours. « Monsieur Charlet, » dit-il d'une voix en bois, « veuillez téléphoner au palais pour savoir à quelle heure le juge d'instruction chargé de l'affaire Templier pourra me recevoir. » Le policier sortit pour rentrer 5 minutes après. Monsieur Daval, le juge d'instruction, est dès à présent à votre disposition. Bien, dites que j'y vais immédiatement. Monsieur Fouinard, ajouta-t-il en prenant son chapeau, il est bien entendu que vous m'accompagnez. Puis il ajouta, en s'adressant à Monsieur Charlet d'un ton ironique, vous permettez que j'emmène votre prisonnier, n'est-ce pas? J'en réponds. Ah, vous pouvez vous retirer. Pour le moment, je n'ai rien à vous dire. Le malheureux policier jeta sur Fouinard un regard lamentable. Bon, pensa l'excellent Fouinard, pour cette fois-ci, on essaiera encore de te sauver la mise. Mis au courant, le juge d'instruction fit extraire immédiatement de la santé le prétendu Noé Grobergès, qui s'efforça de maintenir son mensonge. Mais placé en présence de Van Kampfen et sous l'avalanche de preuves qui l'écrasaient, il finit par tout avouer. Fouinard avait reconstitué exactement toute l'histoire. Les deux hommes furent envoyés au bagne, l'un à perpétuité, l'autre pour 20 ans. Cette fois, il fut impossible à Fouinard de garder l'incognito, comme la première fois. Les reporters mirent toute leur rouerie en jeu et finirent par apprendre l'aventure qui n'était pas à l'honneur de la police, obligée de relâcher l'inculpé de l'abeille, un pauvre maniaque, conduit enfermé à quelques jours de là dans un asile. Fouinard, le petit détective parisien, devint subitement célèbre et le jeu des trois noms fut la passion des salons. Quant à lui, assommé de cette popularité qu'il n'avait pas cherchée, il finit par résilier au Châtelet et par rentrer chez lui où il chercha à se faire oublier. Mais il avait compté sans le préfet de police, qui, après avoir consenti à ne pas déplacer encore M. Charlet, avait mis cette condition à son indulgence que Fouinard, au besoin, lui prêterait son concours. « Soit, » avait dit Fouinard, « mais incognito, et surtout jamais d'affaires politiques. » Fouinard, la petite Suzon et Michel Gervais restaient bons amis, dévoués l'un à l'autre et prêts à céder en cas de besoin. Justine ne disait rien mais n'en pensait pas moins, ainsi qu'elle le prouva de l'affaire qui 3 mois après exerça la sagacité de maître Fouinard et que nous raconterons sous le titre suggestif qui lui convient, un clou dans un crâne. Ainsi s'achève L'introuvable assassin, une enquête de Toto Fouinard par Jules Lhermina.